Mais si l'humain n'est pas l'unité de mesure, et si le monde n'est pas gouverné par des lois mathématiques, qu'est-ce qui régit tout ça? Filmez une voiture qui roule sur une route. Si vous accélérez le film à l'infini, la voiture disparaît. Quelle preuve avons-nous alors de son existence? Le temps donne une légitimité à son existence. La seule vraie unité de mesure est temporelle. Le temps apporte la preuve de l'existence de la matière. Sans le temps, nous n'existons pas.